Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, on retrouve aujourd'hui Jocelyne, sophrologue. Bonsoir à tous. Et puis Aurélie, qui est responsable départementale Sophro Ciel. Alors, responsable départementale pour l'association Ciel Bleu. Et Ciel Bleu, voilà. Ciel Bleu, pardon. Voilà. Bonsoir à tous. C'est une osmose entre les deux, je crois. Oui, voilà. Sophro-Ciel, c'est le projet qu'on partage avec Jocelyne. Alors, on s'était retrouvés il y a environ 6 mois, je crois, non? Oui, c'était à l'automne. Et puis, on avait fait le point. Et puis aujourd'hui, c'est le moment de faire le bilan un petit peu de l'action 2019. Voilà. Et puis de prévoir celle de 2020. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de projets en cours avec Aurélie. Mmh. Et ce projet qui avait débuté en juillet 2019 sur 2 sites, sur le site de Saint-Dié, sur le site de Cornimont, donc qui s'appelle Sophro-Ciel. Donc, en alternance, activité physique adaptée et sophrologie, se termine bientôt. A très bien fonctionné sur les 2 sites, même si sur Saint-Dié, le nombre de participants était un peu moins nombreux. Mais voilà, ils étaient bien contents d'y participer. Et comme on ne peut pas intervenir sur le même site financé par la conférence des financeurs, on va sur d'autres sites maintenant, mais on en parlera tout à l'heure. J'ai sa parole à Aurélie. Bien sûr. Alors Aurélie va nous faire un petit peu le bilan. Oui. Le responsable départemental, en plus. Alors du coup, voilà, effectivement, sur la commune de Saint-Dié, on va bientôt finir, donc fin février, début mars. Et donc, il y a c'était eu... sur le budget au titre, enfin, c'était sur les opérations. Oui, c'était grâce à la conférence des financeurs qui est du conseil départemental. Donc ces appels à projets, qu'on dépose des projets et puis ils nous financent. Et donc voilà, il y a eu sur Saint-Dié une dizaine d'inscrits. De personnes inscrites, pardon. Donc voilà, à la fin du programme sur Saint-Dié, on n'aura pas, comme a dit Jocelyne, la possibilité de continuer, de mettre autre chose. Et puis sur Cornimont, en revanche, où il y avait plus d'une vingtaine de personnes inscrites, ces personnes sont volontaires pour continuer en s'autofinançant, donc c'est-à-dire continuer avec un contrat direct. Donc il n'y aura plus de financement du conseil départemental ou autre. Ils vont vraiment se financer eux-mêmes pour continuer l'activité. Il n'y a pas de possibilité du côté de la sécurité sociale, du côté des mutuelles? Non, pas pour le moment, non, malheureusement. C'est vrai que les personnes qui financent le plus les seniors, le public senior, ça reste quand même maintenant, en ce moment, le conseil départemental. Ensuite, il y a d'autres après la projet. Les retraites complémentaires, non? Comment? Les retraites complémentaires n'interviennent pas? Alors, il y a les retraites complémentaires qui peuvent financer, mais ils financent rarement du collectif. Ils financent plus de l'individuel, donc à domicile. Donc on n'a pas d'enveloppe de ces caisses de retraite complémentaires pour du collectif. Donc ça ne correspond pas là à notre projet sur Cornimont. Vous aviez quand même essayé de les interpeller, pourrait-on dire. Alors pour du collectif, non, parce que nous, avec l'association Ciel Bleu, on a déjà des partenaires avec eux. D'accord. Donc du coup, moi, responsable départemental des Vosges, je ne peux pas les solliciter, sachant qu'on a un partenariat au national. Donc ce n'est pas moi qui vais discuter avec eux de ce genre de choses. D'accord. C'est des responsables nationaux qui s'en occupent. Donc du coup, non. Dans les Vosges, pour ça, non, on a, j'ai pour pas l'avenir sollicité. Non plus. Comment ? Pour l'avenir non plus. Non, c'est pas dans le, c'est pas en projet. Parce que c'est vrai que c'est quand même relativement coûteux pour des. C'est vrai qu'ils ont eu déjà eu la chance d'avoir participé à ce premier projet de 30 séances à 1 euro la séance. À 1 euro la séance, donc c'était 30 euros par personne, ce qui est juste une participation symbolique. Et donc les personnes sont conscientes que déjà ils ont eu une aide financière assez importante pour cette première année. Et puis, on ne va pas parler de la demande financière qu'on va leur demander, mais pareil, hein, pour une poursuite en autofinancement, on essaye vraiment que ça reste accessible financièrement aussi. Donc, c'est-à-dire, on peut parler chiffres? Oui, et par séance, on serait autour des... entre 3 et 3,50 la séance. Voilà. ce qui n'a rien à voir avec... Ah oui, je sais pas. Non, entre 3 et 3 euros. Oui. Si on est une vingtaine de personnes, ouais. Et on a déjà, voilà, on a déjà pratiquement les 20 personnes sur le site qui souhaitent continuer. Donc, Alors la fréquence ? La fréquence des séances. Eh ben, on garderait sur les mêmes modalités. Donc, ce serait une semaine sur deux sophrologie et activité physique adaptée sur le secteur de Cornimont. Donc, voilà, ce serait exactement la même chose que ce qu'ils viennent d'avoir. Par mois, quoi. Ah oui, de chaque, oui. Oui, voilà. Il y a une séance par semaine, mais ils alternent entre sophrologie et activité physique adaptée. Donc, par mois, il y a 4 séances, 2 de sophrologie et 2 de séances d'APA. D'activité physique adaptée. Voilà. Alors, au point de vue, on a parlé un petit peu du bilan sur cet aspect-là. Et parlons maintenant des personnes. Bah, les personnes semblent très satisfaites, vu qu'elles souhaitent continuer sur Cornimont. Je pense qu'elles sont très satisfaites. Et le côté, justement, accompagnement par l'activité physique adaptée, par la sophrologie, leur correspond bien. Sinon, je pense qu'ils n'auraient pas souhaité continuer. C'est vrai que ce projet qu'on avait mis en place en 2019 a reçu quand même une belle écoute et un très bon accueil. Et on espère continuer avec ce groupe tant qu'ils le souhaiteront. Les modalités, d'ailleurs, on va en rediscuter avec eux à la dernière séance de Cornimont. C'est quel profil ces personnes ? Alors, ce sont des seniors de 80 ans et plus qui ont un état de santé qui varie d'une personne à l'autre, mais l'activité physique est bien adaptée justement à ces personnes et ça leur correspond bien. C'est pas quelque chose qui leur est demandé qui n'est pas accessible physiquement. C'est vraiment adapté à chaque personne et les intervenants de Ciel Bleu qui sont formés exclusivement, qui sont formés, c'est encore un plus la formation qu'ils ont suivie, parce que justement, ils sont formés et compétents à suivre et accompagner des personnes qui peuvent être fragilisées donc, par le vieillissement, qui peuvent être fragilisées par la maladie, fragilisées par le handicap. Donc ils ont l'air satisfaits. D'ailleurs, on a une radio qui vient sur site le 6 qui pourra faire une interview et peut-être qu'elle pourra également être diffusée. Résonance FM. Voilà, c'est Résonance FM. Donc comme vous travaillez en relation, Eric vient interviewer le 6 février les personnes, parce que c'est important qu'elles s'expriment. Pour nous aussi, c'est très important qu'elles puissent s'exprimer. C'est vrai que... C'est hors de notre zone d'écoute, par contre. C'est celle de Résonance FM. Ouais. D'autant plus qu'on a déménagé l'émetteur et qu'on aura beaucoup plus de difficultés pour passer sur la vallée de la Meuse l'autre matin. D'accord. Hein, ça va être beaucoup plus cantonné. Bah, c'est plus une question financière, ouais. Puis une question d'autonomie qu'autre chose, mais il fallait le faire. Bon, il y a toujours la possibilité d'avoir l'émission en podcast, donc même si on est un peu perché comme moi sur Cornimont dans les Hauts, on peut avoir Radio Guémozo en podcast. Voilà, moi, je l'écoute que comme ça, donc c'est toujours important. Voilà, alors témoignage des personnes, bien sûr. Ouais, c'est important. On renvoie un petit peu à ce qui pourra être diffusé sur Résonance FM, ouais. C'est-à-dire 88.1, 104.1, et puis en podcast aussi, évidemment. Mmh. Mais pour vous aussi, c'est enrichissant, ces contacts avec des personnes nouvelles. Enfin, tout des personnes à fait. Nouvelles, mais que... Voilà, qui maintenant, elles ne sont plus vraiment nouvelles. On a bientôt fait nos 30 séances, donc on a appris à se connaître. Les intervenants Ciel Bleu, enfin l'intervenant de Ciel Bleu, qui s'appelle Mathilde Auriel, a appris aussi à les connaître et ils apprécient également notre accompagnement en tant que personne et notre fonctionnement en tant que personne. Ça crée beaucoup de liens. Le but aussi, c'est de créer du lien social, ce genre de projet que l'on Bien a. Sûr. Ça n'est pas que de l'activité physique et de la sophrologie. Ça va beaucoup plus loin. D'ailleurs, Aurélie en parlera mieux que moi. Hein, c'est aussi la vocation de l'association Ciel Bleu, hein, créer le lien social. Créer du lien social et puis sortir des personnes âgées de leur isolement. Voilà. La plupart sont quand même relativement isolée. Enfin, je pense qu'elle est. Alors, les personnes qui viennent sur du collectif, ce n'est pas les personnes les plus isolées, mais c'est vrai qu'elles ont besoin de toute façon de sortir de chez elles, de rencontrer du monde, de faire une activité autre que ce qu'elles font à la maison. Donc, effectivement, il y a le lien social et ce petit côté psychologique aussi qui joue. Voilà, sur le bien-être psychologique des personnes à faire une activité comme ça en extérieur et avec d'autres personnes. Donc, ça leur fait du bien sur le domaine social, psychologique et physique avec l'activité physique adaptée. Puis c'est vrai que tu m'excuses, il y a beaucoup de relationnel parce que les personnes, on le voit, quand elles arrivent aux séances, elles sont vraiment contentes de se retrouver. Déjà, retrouver les autres participants et participantes. Et puis, du coup, elles partagent des choses que peut-être s'il n'y avait pas eu ce projet au départ, elles n'auraient pas partagé ensemble et se voient pour certaines à l'extérieur. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans ce lien social qui est mis en place. Hein. Ce n'est vraiment pas deux activités qui sont uniquement mises en place. Et pour continuer sur le profil des patients, je ne sais pas si vous les appelez comme ça. Des bénéficiaires. Oui, là on a un public aussi de la maison de retraite. Non, pas du tout sur les deux secteurs. Ce sont des personnes qui sont bien à leur domicile, qui sont parfois un petit peu éloignés du centre et là, ça leur permet aussi de descendre sur le centre du village. Elles sont suffisamment autonomes. Elles font du covoiturage, elles font du co-accompagnement quand elles ne sont pas très loin et à pied. Elles se retrouvent, elles arrivent ensemble à plusieurs, ils arrivent ensemble à plusieurs. Donc, c'est très bien. Et en fait, les personnes... Il y a des personnes qui ont autour de 60 ans, mais il y a une majorité de personnes qui, je pense, ont entre 75 et 85 ans. Donc, ça permet aussi aux grands seniors de pouvoir se retrouver. Et puis, bien sûr, ils ont partagé aussi des choses tout au long de leur vie dans la commune. Donc, c'est ce lien social aussi qui est très important. C'est exclusivement des Kounais ? Non, on a des personnes qui viennent de Saulsur. On avait une personne qui venait de Saint-Nabord. Les autres personnes, il y a beaucoup de personnes effectivement de Cornimont. Il me semble qu'on a des personnes de la Bresse aussi. Donc non, c'est vraiment, c'est pas fermé sur la commune. En fait, c'est ouvert aux communes environnantes. Et même cette personne qui venait de Saint-Nabord, faisait le trajet, avec plaisir, parce qu'elle retrouvait l'équipe, quoi. Alors, comment s'est fait un petit peu cette approche, cette connaissance avec l'activité? Oui. Laisser parler un petit peu Aurélie. Je crois que ça s'est fait sur le Saint-Nabord, sur la plateforme, avec les actions de la plateforme de répit, Régévo. Que la rencontre avec Ciel Bleu. Tout au départ, oui. Parce que on intervenait toutes les deux, l'association et Jocelyne, avec la plateforme de répit de Régévo, donc sur Saint-Nabord. Et puis plusieurs fois on s'est rencontrés, on a discuté. Et puis en discutant, on s'est aperçu qu'on était toutes les deux porteuses de valeurs, de principes et d'une bienveillance et d'une envie d'accompagner, d'aider les personnes qui en avaient le besoin. Et puis, par nos deux actions, l'une par la sophrologie et l'autre par l'activité physique adaptée, on a quand même, en discutant, trouvé qu'il y avait certaines complémentarités dans la pratique et surtout dans les objectifs qu'apportaient ces deux activités. Donc, du coup, on a réfléchi naturellement à un projet où on pouvait mettre en commun ces deux activités, parce que c'est vrai que les personnes... Les seniors s'engagent dans beaucoup d'activités, mais ils font aussi beaucoup de choses en autonomie. Et du coup, ils ont du mal à s'engager dans différentes actions. Ils choisissent la plupart du temps. Et donc là, le fait de leur proposer un projet avec deux activités, ça leur permettait de faire vraiment ces deux activités en un programme, sans pour autant être à droite et à gauche plusieurs fois par semaine, en fait. Donc ça leur a permis de découvrir ces deux activités d'un seul coup, d'un programme, sans que ça leur prenne beaucoup de temps. Et l'information vis-à-vis, la communication vis-à-vis des personnes potentiellement bénéficiaires. Alors, bah, on a des affiches, on crée des affiches qu'on essaye de donner au commerce, donc au centre-ville, qu'on dépose également à la mairie. CCAS Voilà, CCAS, à l'espace auprès des professionnels de santé, aussi. Au centre culturel. Bien évidemment, c'est toujours en partenariat avec les mairies, hein, des communes qui sont voilà, partantes dans le projet, par le biais des panneaux lumineux, par le biais de la radio. Des radios, par le biais de bouche à oreille. Ouais. Et puis les commerces stratégiques, entre guillemets, là on va le plus souvent. Donc la boulangerie, la pharmacie. Alors pharmacie, on est dans le professionnel. Mmh. Donc voilà, les pharmacies, cabinets médicaux, maisons de santé, cabinets libéraux. Enfin voilà, partout on peut toucher du public qui peut avoir besoin de ces séances. Et puis, on utilise aussi parfois les bulletins municipaux. Et puis, ça arrive aussi qu'on fasse des articles dans Vosges Matin ou un autre journal local, par exemple. Donc, voilà. Et l'assiduité aux séances, elle n'est pas fonction ? Enfin, fonction aussi de l'état de santé des bénéficiaires. Oui. Comme on peut être amené à avoir parce des bénéficiaires avec une pathologie. Parce que vous aviez un groupe de 20, mais ça ne veut pas dire pour autant que... Ah non, ils ne sont pas... Ils sont 24 ou 25 inscrits, par exemple, à Cornimont. Et je crois que c'est jamais arrivé qu'il y ait les 25 ou les 24 personnes en même temps. 20 personnes, c'est déjà bien. Et... Donc, effectivement, il y a des fois les seniors qui ont des rendez-vous médicaux. Donc, elles ont des obligations ailleurs. Il y a aussi les petits-enfants pendant les vacances, les cures. Et puis, effectivement, dans certains groupes, alors peut-être pas sur Cornimont, mais ailleurs, il y a des personnes effectivement, qui sont atteintes de pathologies, donc sclérose en plaques. Cancer ou autre. Alors, l'activité physique adaptée, ça peut à tout public. Effectivement, tout public. Après, on a des programmes où on a des conditions particulières, des contraintes particulières. Donc, par exemple, pour Sophre au ciel, c'est plus de 60 ans obligatoire. Moins de 60 ans, c'est pas le même financement, enfin, c'est pas les mêmes partenaires financiers. Donc là, c'était plus de 60 ans. Mais effectivement, avec ou sans cancer, avec ou sans sclérose en plaques, avec ou sans pathologie, ou avec ou sans handicap. Hein. Donc effectivement, à partir du moment où les personnes sont retraitées de plus de 60 ans, quel que soit leur état de santé, bien sûr, il faut qu'elles puissent venir sur place. Mais après, quel que soit leur état de santé, elles peuvent participer. Et même, j'encourage à participer à ce genre de programme qui peut que leur faire du bien. Mais en fait, vous dites que la moyenne d'âge est au-dessus de 80 ans. La moyenne d'âge, oui, je pense qu'elle est au-dessus de 80 ans, tout à fait. Peut-être pas sur Saint-Dié. Non, sur Saint-Dié, ce sont communes. Des plus jeunes retraités. Sur Cornimont, oui, je dirais que la grande moyenne, elle doit tourner autour des 80 ans. Je ne pense pas me tromper. Parce que bon, c'est vrai, enfin, on peut supposer que des personnes qui sont plus jeunes retraités, ont déjà des activités, hein, des activités de... Diverses. Passer le temps, pour passer le temps, puis consolider leur santé, hein, là, on est vraiment, on est vraiment dans bien-être et santé, donc c'est rare qu'il y ait ce programme de proposer où vraiment elles vont prendre soin d'elles et prendre soin de leur santé. C'est-à-dire que c'est vraiment une activité, un projet qui est global. On est vraiment dans la globalité de la personne. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ont bien répondu présentes. Puis comme disait Aurélie, le bouche-à-oreille a bien fonctionné aussi. Hein, on a très vite été, sur les 3-4 premières séances, on était déjà plus qu'au complet. On partait au départ sur une quinzaine de personnes. Et Saint-Dié, ça s'est fait aussi un petit... Enfin, c'est déjà une agglomération bien plus importante que Cornimont, hein, et entre les 3500... Ça a un peu moins répondu, Saint-Dié. Ouais, Saint-Dié, il y a eu une dizaine de personnes inscrites, ce qui est quand même énorme, hein, pour la commune de Saint-Dié, parce que c'est vrai que nous, quand on a l'association Ciel Bleu, quand elle a mis des programmes en activité physique adaptée, ça a toujours été un peu plus compliqué de ramener des bénéficiaires sur la commune de Saint-Dié. Donc du coup, voilà, 10 personnes, on en est quand même très contentes. Mais effectivement, Saint-Dié, c'est peut-être parce que la population, les seniors sont un peu plus jeunes. Peut-être qu'il y a plus de jeunes seniors. Peut-être, j'en sais rien. Et puis il y a peut-être un panel d'activités. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'effectivement, la commune de Saint-Dié propose déjà beaucoup de choses, beaucoup d'activités, notamment pour seniors. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand les seniors sont inscrits dans une ou deux activités, elles s'y accrochent parce que forcément, hein, il y a la cohésion de groupe, elles veulent rester sur cette activité avec leurs copines. Voilà. Et puis, bah, du coup, elles n'ont pas forcément le temps de s'inscrire ou de participer à un nouveau programme qui arrive sans qu'elles connaissent ni les professionnels, ni l'activité. Donc, effectivement, elles ont tendance à déjà participer sur ce qui existe. Donc, sur la commune de Saint-Dié, ça a été un petit peu plus compliqué en termes de communication que sur la commune de Cornimont, où tout le monde se connaît. Et, voilà. Puis, il y a une chose... Ça, c'est caractéristique hein, quand elle dit copine, parce que ça veut dire que c'est une majorité de femmes. Eh oui. Oui. C'est vrai que sur nos différentes actions, avec Jocelyne ou sans Jocelyne, les participants sont 80 ou 90% même des femmes. Quelquefois, certaines arrivent à ramener leur mari par la peau des fesses, comme on peut dire. mais non, c'est vrai que c'est rare. Pourquoi, à votre avis ? Alors, moi, j'ai du coup... Les hommes n'ont pas la même approche, bien sûr, mais aussi peut-être un problème de santé en vieillissant, de disparition du conjoint. Il y a aussi, oui. C'est ça. C'est à domicile, nous, par exemple, avec l'association Ciel Bleu, on intervient quand même avec énormément d'hommes. Alors que sur du collectif, on retrouve énormément de femmes. Alors, je ne dirais pas que les hommes tombent plus malades ou sont plus malades que les femmes, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, on s'aperçoit que les femmes sont plus amènes de venir sur du collectif. Et puis aussi, les femmes, quel que soit l'âge, elles ont envie de rencontrer du monde et de se faire des amis, un peu plus que les hommes, peut-être. Ils sont plus nombreux au-dessus de 80 ans. Peut-être, oui aussi. Et donc du coup, et puis les hommes, il y a aussi ce côté, je suis encore capable de. J'ai pas besoin de ça en fait. Je peux encore marcher. Donc du coup, j'ai pas besoin d'entretenir ma santé. Alors que les femmes, elles vont être beaucoup plus dans la prévention santé. Les femmes, elles prennent soin d'elles physiquement dès leur plus jeune âge. Alors que les hommes, alors je dis pas qu'ils prennent pas soin d'eux, mais ils ont toujours cette impression d'être encore forts et capables. Donc du coup, c'est vrai que quand on leur parle, la plupart du temps, c'est non, moi j'ai pas besoin. Par contre, vous pouvez prendre ma femme. C'est un peu ça. Et puis voilà. Aussi l'activité, ce que j'entends beaucoup, les hommes jardinent beaucoup. Oui, sur nos oui, secteurs, oui, donc ils ont leur jardinage. Ils ont déjà leur activité jardin, physique. Voilà, à l'extérieur, ils n'ont pas besoin forcément de ce qu'ils disent. Ils s'entretiennent autrement, ouais, oui, tout c'est à ça. Fait, tout à fait. Mais enfin, aussi, c'est vrai que le vieillissement entre hommes et femmes est quand même différent. Tout à fait. Ouais, c'est différent parce qu'à 80 ans, il y a quand même... Voilà, moi, Si on regarde une moyenne d'âge pour les hommes, enfin, l'espérance de vie à 60 ans, hein, c'est 77, 78 ans. Elle a un peu augmenté là pour on a vu l'autre jour des statistiques sur une chaîne de télé. Hein. C'est vrai que l'espérance de vie augmente régulièrement, mais c'est vrai que les hommes restent en espérance de vie un peu plus bas que les femmes. Ouais, bon. Non, 77, 78 ans. Oui, je dirais autour de ça. Oui, tout à fait, Michel. Hein, oui. Aujourd'hui, pour les femmes, 84, 85. Je dirais 80, ouais, à peu près. Je dirais même, 80. Même si la fourchette s'est resserrée. Oui, c'est bien serré. Il fut un temps que c'était 9 ans. Non, ça... Comme quoi, les activités aussi physiques des hommes permettent aussi de garder un état de santé. Bien sûr, quand il n'y a pas de pathologie qui vient, vient mettre son nez. Même s'il y a une pathologie, même mais si y a une ça pathologie, permet. Il faut quand même garder le. Ouais. Garder le cap. Ouais, puis c'est. Paraît-il, ça éviterait des récidives. Aussi pour certaines maladies comme sur le cancer. Sur certaines maladies, ça évite les récidives, ça retarde. La maladie, fait un petit peu diminuer les symptômes, ou alors ça empêche de tomber malade. Alors je ne dis pas que ça empêche des pathologies, mais des fois ça empêche de tomber malade, un rhume ou autre. Donc effectivement, il y a aussi, pour les pathologies, c'est important de pratiquer une activité physique avec ou sans nous, mais justement, au point de vue santé, je ne parle pas, du bien-être, bien sûr, le bien-être... C'est certainement acquis par ce type d'activité. Hein, mais au point de vue santé, est-ce que vous avez... est-ce que les personnes ont pu vous dire bah, « ça me sent mieux » Alors, sur le toujours sur l'action Sophrociel. Oui, ou bien sûr, oui. Alors, Sophrociel, ce n'est pas moi qui intervenais, c'était Mathilde. Donc là, j'ai pu... Oui, mais elle est sur les deux. Ou alors, sur je vous laisse la parole à l'une comme à l'autre. Sophrociel, oui, au fil des séances, c'est vu comme je fonctionne... pour accompagner les personnes. En fait, je recueille leurs besoins en début de séance et ce qui revenait assez souvent, c'était des problèmes de sommeil. D'ailleurs, on en parlera juste après. On a un projet 2020 qui concerne uniquement le sommeil et les personnes disent qu'elles arrivent en fait déjà à mieux dormir ou qu'elles arrivent aussi à être moins stressées parce qu'on travaille, je peux parler de la sophro, activité physique, je sais que ça apporte également beaucoup sur le stress et sur le sommeil, donc oui il y a plutôt un effet bénéfique sur les, on va dire les petits problèmes de la vie déjà qui peuvent engendrer des gros problèmes derrière, comme le sommeil, comme le stress, comme l'anxiété, comme les angoisses, comme l'isolement, le risque d'isolement aussi, c'est un facteur important. Et le fait oui, de se retrouver, de travailler ensemble et de, voilà, sans aucun a priori, sans aucun, d'arriver librement et de faire ce qui est proposé et de faire uniquement ce qu'elle souhaite faire, hein, ça c'est important. Oui, c'est très bénéfique pour le mental. Et puis mine de rien, on prend soin d'elle aussi, donc c'est toujours agréable pour les personnes. Oui, c'est un effet, c'est certain. Un bon effet, bien bénéfique. Vous avez des témoignages en tout sens. Il y en aura, je pense, dans l'interview. Mais effectivement, oui, les personnes se sentent moins tendues, moins, les douleurs ont un petit peu moins de place aussi. On n'a pas de baguette magique, ni Aurélie, ni moi, ni les personnes non plus, mais le fait de bouger, le fait de travailler sur la fatigue aussi, de travailler sur le stress, surtout tout ce que l'on peut travailler sur ces 30 séances qui sont quand même bien complètes, permettent oui, d'avoir un meilleur état de santé et puis un meilleur mental aussi. Parce que là c'était en deux séances différentes. Oui, ce n'est pas deux séances enchaînées, c'est deux séances alternées. C'est-à-dire qu'une semaine, c'est la sophrologie. Ce n'est pas enchaîné sur la même journée. Ah non, pas du tout. Ça serait fatigant de faire une heure d'activité physique et une heure et demie de sophrologie derrière. Ce mine de rien, la sophrologie, c'est du bien-être. C'est fatigant parce qu'on est concentré sur soi. Et on nous demande rarement d'être concentré pendant une heure sur soi, voire une heure et demie. Et puis l'activité physique adaptée, c'est quand même intense. Hein. J'ai pu participer à une séance d'Aurélie dans le cadre de... Voilà, d'une journée bien-être qu'on a animée il n'y a pas très longtemps. C'est bien tonique, adapté aux personnes et à tout type de personnes parce qu'on avait dans cette journée bien-être des personnes d'unités de vie protégées, donc atteintes de pathologies neurologiques. Voilà, avant de me retourner vers Aurélie, on va s'accorder une pause musicale. Alors, c'est Chaucine qui a choisi Jean-Michel Jarre. T'as quel titre ? Équinoxe. Thank you. on a retrouvé Jean-Michel Jarre. Et puis on retrouve Jocine et puis Aurélie avec ses actions. Donc, faire un peu le bilan des actions de 2019, on en est encore là. On va aborder un petit peu l'avenir. Alors, les séances, c'est une heure. Vous trouvez chaque fois c'est toujours les mêmes salles à Cornimont, par exemple? Oui. On va parler surtout de Cornimont, puisque ça nous intéresse au point de vue secteur. Oui, on intervient toujours toutes les semaines dans la même salle parce que sinon, nous-mêmes, on se perdrait, puis on perdrait, je pense, les bénéficiaires. Donc, effectivement, que ce soit de l'activité physique adaptée ou de la sophrologie, c'est la même salle. En revanche, voilà, le même jour, et alors même horaire, mais l'activité physique adaptée, c'est une heure, alors que la sophrologie, c'est 1h30. Voilà. C'est bon de le rappeler. Et c'est en alternance, une fois, toutes deux semaines. Par exemple, en semaine paire, ça va être de l'activité physique sur 1 heure. Et en semaine impaire, ça va être de la sophrologie sur 1h30. Et on alterne comme ça jusqu'à la fin du programme. D'accord. Et au point de vue évolution un petit peu de la situation des personnes, au point de vue aussi des exercices. Oui. Les exercices, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, sur l'activité physique adaptée, donc nous, on prend les objectifs au début du programme. Donc voilà, on leur demande un petit peu déjà si elles ont des difficultés, des pathologies ou handicaps, si elles veulent nous en parler, bien sûr. Et puis ensuite, forcément, on leur demande leur attente et leur objectif pour qu'ensuite, on dirige nos séances sur ça. Donc, la plupart du temps, pour les seniors, ça reste quand même l'équilibre, la souplesse articulaire qui reviennent énormément, le travail de renforcement musculaire. Voilà, ça reste sur des capacités, du coup, physiques à améliorer pour maintenir l'autonomie. Et ensuite, voilà, du coup, on crée nos séances en travaillant toujours, du coup, ces objectifs-là. Et au début, on va rester sur des choses assez basiques. On va revoir les postures, donc se redresser en marchant, pas regarder ses pieds, mais lever la tête. Comment ramasser un objet correctement, comment se lever d'une chaise, comment se relever d'une chute. Donc voilà, au début, c'est vraiment des bases. Et puis ensuite, on va évoluer nos séances en y intégrant d'autres compétences, en travaillant le double tâche, en travaillant, en y intégrant les capacités cognitives, donc la mémoire. Voilà, on complique. Ah oui, aussi la mémoire. Là. Ah oui, bien sûr, on travaille aussi la mémoire des fois. En faisant un exercice de balle, on peut leur demander, chacun leur tour, de nous donner un nom de métier et de ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Donc elles sont obligées de chercher. Elles doivent retenir ce qui a déjà été dit, par exemple. Donc effectivement, dans un exercice physique, on peut intégrer aussi ce côté mémoire. Et donc voilà, on crée du coup nos séances comme ça, de plus en plus... Alors je dirais pas compliquées, mais de plus en plus complètes, plutôt, les séances. Et voilà, pour répondre à leur objectif. Il y a des personnes qui vous lâchent. Alors, au bout d'un certain temps, parce qu'elles n'arrivent plus à suivre, ou bien simplement parce qu'elles ont des problèmes de santé. Voilà, la plupart du temps, ce n'est pas parce qu'elles n'arrivent pas à suivre. Quand elles ne peuvent pas faire un exercice, on ne leur dit pas « vous ne faites pas ». On leur donne autre chose à faire. Donc la plupart du temps, les personnes ne nous lâchent pas parce qu'elles ne sont pas capables d'eux. En revanche, effectivement, c'est déjà arrivé qu'il y ait des seniors qui partent... j'ai des seniors qui partent 3 mois ou 4 mois dans un pays chaud et qui reviennent en été seulement. Et puis sinon, effectivement, il y a des personnes qui, parce que leur mari ou leur femme tombe malade, du coup, elles arrêtent, elles ne peuvent pas venir, ou un état de santé qui se dégrade aussi. Donc, vous gardez une moyenne de 20 personnes. Oui, sur Cornimont, oui. Bah, je crois qu'il n'y a pas eu de personnes, il n'y a pas eu de pertes. Sauf pendant l'été, il y a eu un petit peu moins, mais les personnes sont revenues après l'été, tout à fait. Voilà, mais elles sont revenues sur Cornimont, alors qu'il y a des groupes où vraiment... Une autre question qui vient à l'esprit comme ça. Est-ce que ces personnes font d'autres activités physiques, par exemple, marche ou autre, ils sont déjà inscrits dans... Ça arrive, oui. Oui. Des fois, elles peuvent effectivement marcher en autonomie, mais avec des connaissances. Donc, elles font de la marche à pied. Des fois même, elles font partie du club vosgien aussi. Donc, elles font de la marche avec le club. Et puis, elles participent surtout à Cornimont. Il y a beaucoup d'activités. Il y a du pilates déjà. Il y a du qigong. Du yoga. Voilà, il y a déjà plein de choses. Ouais. Et qui peuvent, encore une fois, être complémentaires avec ce qu'on propose aussi. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, elles participent à ces activités que l'espace culturel propose sur Cornimont et notre programme. Donc, Ah oui, c'est vrai que c'est l'intermédiaire privilégié, cet espace culturel. Bien sûr, oui. Il y a des tas de choses à Cornimont. Il y a des tas de choses. Il y a beaucoup d'activités. Un petit coucou à Laurent, en passant. Oui. Qui nous écoute, il ne faut pas nous écouter. Qui nous accueille gentiment et qui me supporte depuis 2011. Mais oui, il y a énormément de choses à Cornimont intéressantes. C'est du centre social, alors. Oui. Là, c'est l'espace. Ah oui, c'est une très belle salle, c'est un très beau bâtiment, l'espace culturel, et on a tout ce qu'il faut, quoi. Donc elle est chauffée, elle est calme, elle est spacieuse. On n'a pas à se plaindre. Non, du tout. Donc non, franchement, c'est une belle salle, on est contente. Et là, vous allez continuer en 2020 dans cette salle ? On va continuer en 2020 dans cette salle, au même jour et au même créneau horaire. Donc effectivement, ouais, on continue. Et dans ce programme 2020, vous n'allez pas ailleurs ? Alors, si, on a eu la chance, encore une fois, de se faire financer pas mal d'ateliers, toujours par la conférence des financeurs, donc par le conseil départemental. Et donc là, il va falloir qu'on mette en place 4 cycles sophro-ciel, donc exactement le même atelier, sophrologie, activité physique adaptée. Et donc, on a de quoi mettre en place sur 4 communes différentes. Donc, on en a 3 bien déterminées déjà. Donc, un cycle sur Gérardmer, Ramonchamp et Darnay. Et la 4e qui est un peu en suspens. On attend l'accord de la commune. Donc, je préfère pas dire de bêtises tout de suite. Et donc, voilà pour Sophro-Ciel. Donc, 4 cycles à prévoir pour 2020. Toujours de 30 séances, 15 séances d'APA et d'activité physique adaptée et 15 séances de sophrologie, toujours en alternance, une semaine sur 2. Donc, voilà, exactement la même chose, mais sur Gérardmer, Ramonchamp et Darnay et une 4e commune qui viendra ensuite. Donc, on n'a pas encore de date de début, on n'a pas encore de nom de salle. Voilà, c'est seulement en train de se mettre en place. Donc, je n'ai pas encore toutes les informations, mais voilà. D'accord, parce que Darnay, ça fait un petit bout de chemin. Ça fait pour Jocelyne, ça fait un petit bout de chemin. Pour Jocelyne, ça en fait un peu moins pour Aurélie. Nous, sur Épinal, ça fait moins loin, mais oui, pour Jocelyne. Mais après, c'était aussi dans nos objectifs, c'est d'aller dans différents secteurs pour que ce soit accessible à un grand nombre de seniors. Darnay, c'est en partenariat avec la plateforme de répit et d'accompagnement de Vitel. Ah d'accord. Voilà, donc du coup, elles ont des contacts et puis surtout, elles ont des actions. C'est pas la Comcom qui est maître d'œuvre. Non. Là, on travaille vraiment avec Aline Chapuis de la plateforme de répit de Vitel. Et donc du coup, elle nous a proposé Darnay parce que y avait des besoins et puis des envies de faire ce type d'activité et d'action. Donc, du coup, Là, vous envisagez des groupes de 10, de 20, vous ne savez pas encore. Pareil, ce sera ouvert à un minimum de 10 personnes. Alors, on dit toujours un maximum de 15, mais pareil, hein, si 120, on prendra les 20, on s'adaptera. Et puis, bien sûr. Donc, on ne sait pas encore combien ils seront avec nous, mais voilà, un minimum de 10 est demandé pour mettre en place le programme. Donc et là, vous allez vous adapter aux besoins locaux, on pourrait dire. Tout à fait. Hein, puis, et puis là aussi, le choix de la journée... Sur 4 ou 5 sites, même 6 avec Cornimont, hein, si j'ai bien compris. Ah, oui, 5. Ça fait toute la semaine, quoi. Bah, pratiquement. Alors, on essaie de travailler par secteur. Voilà, c'est aussi que les personnes soient disponibles, c'est aussi que l'équipe d'Aurélie soit disponible et on essaie de se caler en fonction de nos disponibilités, des disponibilités aussi des salles. Hein, ça, c'est très important. Comme il y a des communes où il y a pas mal d'activités, les salles sont disponibles tel ou tel jour. Aussi, comme c'est quand même une activité sur 30 séances, il faut qu'elle soit disponible aussi dans la durée. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on essaie de ne pas changer de salle quand on est installé sur un site pour que les personnes aient vraiment un repère et que, on n'ait pas à changer régulièrement d'endroit. Ce qui est déjà arrivé et qui est un peu plus compliqué. Pour toi, ce n'est pas la première expérience sur la vallée de la Haute-Moselle ? Non. Non, du tout. Ouais. Tu connais. Je connais bien ce secteur-là. Je connais un petit peu ce secteur-là. J'y ai travaillé dans un autre cadre pendant 5 ans. Et c'est vrai qu'on avait vraiment envie de développer sur la Haute-Moselle également, pas que sur la Moselotte. Donc de mailler le département, comme disait Aurélie tout à l'heure. Et on a une commune qui est prête à nous accueillir assez rapidement. On a déjà des dates qui commencent. Ça pourrait être Ramonchamp, oui, effectivement. C'est Ramonchamp. Et ça pourrait débuter assez rapidement parce que le projet avance bien. On a encore quelques rencontres. Ouais. L'objectif, ce serait de mettre les programmes en place et en route en février. Février, fin février, grand max, parce que le conseil départemental nous finance jusqu'à novembre, début décembre 2020. Donc du coup, il faut que les programmes soient finis à cette période. Et 30 séances, c'est déjà presque 6-7 mois d'intervention, plus les annulations. Et puis, il y aura des interventions au moins d'un mois en juillet. Donc, avec les 5 semaines de congé aussi des salariés. Donc, bah, il va y avoir forcément des semaines où il va y avoir des annulations. Donc, du coup, ça repousse encore un peu plus le programme. Donc, voilà, notre objectif, c'est de mettre en place les 4 cycles d'ici février. Donc, là, il y a du travail. Mais vous avez déjà un peu cadré. On a déjà bien cadré ensemble parce que. Aussi bien les salles. Pas les salles, mais les créneaux horaires et certaines salles, oui aussi, mais les créneaux horaires, les jours, les chargés de prévention qui interviendront. Ouais, ça commence à se faire. Mais comme. Parce que pour faire des propositions, c'est sûr qu'il faut. Ouais. Il faut avoir le cadre. Oui, c'est ça. Et c'est ça le plus dur, hein, c'est de trouver justement le créneau horaire qui conviendra et à Jocelyne et aux chargés de prévention de Ciel Bleu, qui a déjà un emploi du temps bien chargé. Mais vous vous rencontrez de temps en temps quand même? Oui, bien sûr, régulièrement. En dehors des séances, bien sûr. En dehors des séances, parce qu'on se croise rarement en séance toutes les deux, Aurélie, mais on arrive à se retrouver, à travailler justement sur nos projets ensemble et à voilà, les préparer. Donc oui, ça aussi, ouais. Ces rencontres sont très importantes. Très, très important. Puis on se rencontre aussi pas mal sur des actions, des journées, des salons, des forums, etc. Voilà, vu qu'on est deux professionnels dans le secteur de la santé, dans le paramédical, du coup, effectivement, on se voit énormément aussi sur ces genres d'actions, de journées. Voilà, alors on peut inviter nos auditeurs parce que Ramonchin, ce n'est pas trop notre zone d'écoute encore. C'est plutôt celle de Radio des Ballons. Hein. Mais de toute façon, bien sûr, le public ne sera pas forcément de Ramonchin, ne sera pas forcément des communes en question. Donc, vous recrutez peut-être un peu sur la périphérie d'Omiremont aussi. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà, on ne peut qu'inviter nos auditeurs à se rapprocher un peu de. On peut redonner nos coordonnées ? Oui, donnez vos coordonnées. Alors, du coup, moi, Aurélie Poulain pour le groupe associatif Ciel Bleu. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 36 37 35 51. Et sinon, par adresse mail, aurélie.poulain, donc P-O-U-L-A-I-N, @cielbleu, c'est S-I-E-L-B-L-E-U, tout attaché, .org. Donc, voilà. Et pour ma part, c'est Jocelyne Chamberlain. Et vous pouvez me joindre au 06 64 92 00 00. Et par mail, en précisant titre Sophre au ciel, c'est J-O-C, les trois premières lettres de Jocelyne, .chamberlin, C-H-A-M-B-E-R-L-I-N, @orange.fr. Mais de préférence... En sachant bien que vous avez... L'une comme l'autre des cartes de visite que vous déposez peut-être dans les... Non ? Pas dans ce cadre-là, non, pas dans le cadre de notre projet commun. Non, c'est pour ça. Et de préférence, c'est s'inscrire à Ciel Bleu. C'est Aurélie qui centralise le plus les inscriptions. Cornimont, ça avait été un peu exceptionnel, parce que c'est ma commune d'habitation, ma commune d'intervention depuis plusieurs années. Mais en principe, c'est Aurélie la référente. Mais là, on peut quand même trouver un peu d'informations, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours un stylo sous la main, etc. Vous déposez des affiches, ouais. Quand la mise en place du projet sera vraiment officielle, il y aura des affiches de mise en place, il y aura peut-être sur les sites internet des communes le programme, l'intervention. Les offices de tourisme, les panneaux lumineux. Et puis sinon, sur on a une adresse, un site internet pour le groupe associatif Ciel Bleu, où s'ils cliquent bien sur le département des Vosges, donc le 88, ils retrouvent mes coordonnées dans responsable départemental, il y a mes coordonnées, donc sur le site Ciel Bleu. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. un peu pour notre paroisse, ça te tient, il n'y a rien de prévu. Alors, pas pour l'instant, mais il y aura certainement, dans le cadre d'un autre projet dont on va parler, certainement des choses de mise en place, mais qui seront sur une durée un peu plus courte. Et donc, voilà, ce n'est pas un programme Saufre au ciel, c'est un autre programme. Et je vais laisser Aurélie en parler, ça s'appelle Rêve en bleu. Oui. Donc Rêve en bleu, donc c'est un projet sur le sommeil, parce qu'on s'est aperçu que l'une des problématiques aussi des seniors, c'était le sommeil. Et comme notre objectif, c'est aussi de mettre en place des actions pour une prévention globale, pour la santé globale, on y intègre du coup cette notion de sommeil. Et donc, c'est en 7 séances, donc c'est vraiment un petit programme court qui... et plus sur la découverte plutôt que sur du long terme, prend soin de soi, mais voilà, plus sur la découverte pour poursuivre ensuite en autonomie. Et donc ça se construit avec une conférence sur le sommeil de 2 heures au début, donc où on y voit le sommeil, qu'est-ce que c'est, comment il se construit, les différentes maladies liées au sommeil, et puis comment comme on peut... Comme les apnées. Voilà, exactement, comme les apnées du sommeil. Et puis, comment on peut essayer d'y remédier, comment on peut essayer d'influencer le sommeil, donc notamment par l'activité physique adaptée et puis par la sophrologie. Donc, suite à cette conférence, il y a 6 autres séances. Donc, une séance de stretching d'une heure, une séance d'activité physique adaptée d'une heure, une séance de pilates d'une heure, une séance de marche nordique de 2 heures. Et ensuite, il y a 2 séances de sophrologie, chacune d'une heure et demie. Et du coup, l'objectif du projet, c'est vraiment de leur faire découvrir différentes activités pour qu'elles prennent un petit peu, les personnes, pour qu'elles prennent un petit peu ce qu'elles veulent de ces séances et qu'elles mettent en place des routines pour favoriser l'endormissement. Donc voilà l'objectif du projet. Et donc ça, voilà, en 2020, il va y avoir 5 cycles de mis en place. On ne connaît pas encore les communes, mais il y en aura 5 de mis en place sur le département des Vosges. Et une pas très loin, certainement, de Remiremont. Voilà, on veut mailler vraiment le territoire, donc il y aura certainement... Oui. On viendra peut-être en reparler quand ça sera finalisé. On en reparlera, d'autant plus que je fais partie d'un comité de section de mutuelle, l'AMG, Et je crois qu'ils sont assez intéressés par ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Tout à fait. Je ne sais pas, j'en parlerai. D'accord. Hein, parce que je crois quand même que le monde mutualiste est quand même à l'écoute des besoins de ses adhérents. Et puis en même temps, pour meilleure qualité de la vie. Hein, Dieu sait quand même que quand on vieillit, on a forcément des problèmes de santé. Oui. Hein, si on s'estime fort... Pour avoir travaillé 28 ans dans le milieu mutualiste, dans mon ancien métier, quelque chose qui m'avait vraiment interpellée, c'est la solidarité. C'est l'esprit solidaire, l'esprit mutualiste. Et ça, oui, c'est solidaire pour ses adhérents, solidaire. C'est important. C'est ce qui avait fait que je suis restée 28 ans dans un organisme avec cet esprit mutualiste. Voilà, ben je pense qu'on va vous libérer parce qu'il paraît que vous avez déjà un rendez-vous. Alors, rapidement, hein, moi je terminerai un petit peu pour donner quelques nouvelles d'ADEMAT, hein, ce qui se passe exactement en ce moment. Je vous remercie, Kifi. Merci à toi. Hein, et puis au plaisir de se revoir bientôt. Parce que nous, on est là pour justement faire s'exprimer des personnes qui font quelque chose... Dans le milieu, quoi, sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on manque de lien social dans nos vallées, la plupart du temps, quand même, le lien social s'est établi puisque les personnes n'ont pas été trop dispersées. Tout à fait. Mais dès qu'on s'éloigne un petit peu des vallées, c'est déjà plus difficile. Hein. Les familles sont éclatées, la plupart. Même dans les vallées, la maladie peut très vite isoler, le handicap peut très vite isoler. Voilà, c'est aussi pour accompagner... Oui, c'est ce qu'il faut dire aux personnes. Il ne faut absolument pas rester isolé. Tout à fait. Il faut absolument se rapprocher. Mmh. Et puis penser à soi, entretenir sa santé. Mmh. Et la sophrologie et l'activité physique adaptée sont des moyens qui sont... Mmh. Puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Voilà, mais il faut juste se renseigner. Et puis surtout quand on commence à diminuer physiquement, je pense que là encore... Avant de diminuer physiquement, ce serait bien de se mettre à l'activité physique adaptée. C'est le but de la prévention. D'accord. C'est d'y aller avant que la santé se dégrade, avant que la santé physique se dégrade. Bien sûr. C'est de déjà de pratiquer. Prévention. Ouais. Enfin, je pense quand même qu'il y a beaucoup de seniors dans nos vallées. Oui. Hein, seniors au masculin ou féminin, hein, comme on veut, qui pratiquent déjà une activité physique quand même. Oui. Hein. Ouais. Bah, c'est vrai que les Vosges, il y a de quoi marcher. Donc, les Vosgiens sont très forts à la marche à pied. J'ai découvert ça. Donc, effectivement, la marche à pied, c'est la principale activité que font les Vosgiens et certains seniors. Ben merci. On s'est pas donné le temps de deux pauses musicales. Ça fait rien. Ça fait rien. On a pu au moins faire un peu le point et puis voir l'avenir. Oui. Se projeter vers l'avenir et continuer à accompagner les personnes. Voilà. Merci Justine. Merci Aurélie. Merci. Merci pour ce que vous faites aussi. Ouais. Voilà. Et puis on se retrouvera bien à un moment ou à un autre encore pour faire le point. Hein. Hein, ne serait-ce que peut-être dans notre magazine santé mensuel, en discuter un petit peu. Avec plaisir. Merci pour cet accueil. Merci. Au revoir.